Faut-il que je le répète jusqu'à satiété ? Certes, je n'étais pas jaloux de cette femme. Mais nous sommes tous les mêmes. Malgré moi, j'ai voulu voir à qui elle écrivait. Et pour cela, ne m'étant pas assis encore, je m'inclinai par-dessus sa tête. Mais mon regard fut intercepté par l'entre-deux de ses épaules, par cette fente enivrante et duvetée où j'avais fait ruisseler tant de baisers. Et ma foi, magnétisée par cette vue, j'en fis tomber un de plus dans ce ruisseau d'amour. Et cette sensation l'empêcha d'écrire. Elle releva sa tête de la table où elle était penchée, comme si on lui eût piqué les reins d'une pointe de feu, se cambrant sur le dossier de son fauteuil la tête renversée. Elle me regardait, dans ce mélange de désir et de confusion, qui était son charme, les yeux en l'air et tournés vers moi, qui était derrière elle, et qui fit descendre dans la rose mouillée de sa bouche entr'ouverte ce que je venais de faire tomber dans l'entre-deux de ses épaules. Cette sensitive avait des nerfs de tigre. Tout à coup, elle bondit. « Voilà le major qui monte, » me dit-elle. « Il aura perdu, il est jaloux quand il a perdu. Il va me faire une scène affreuse. Voyons, mettez-vous là, je vais le faire partir. » Et, se levant, elle ouvrit un grand placard, dans lequel elle pendait ses robes, et elle m'y poussa. Je crois qu'il y a bien peu d'hommes qui n'aient été mis dans quelque placard à l'arrivée du mari ou du possesseur en titre. « Je te trouve heureux avec ton placard, » dit Céline. « Je suis entré un jour dans un sac à charbon, moi. » C'était bien entendu avant ma sacrée blessure. J'étais dans le hussard blanc alors. Je vous demande dans quel état je suis sorti de mon sac à charbon. Oui, reprit amèrement Ménilgrand, c'est encore là un des revenants bons de l'adultère et du partage. En ces moments-là, les plus fendants ne sont pas fiers. Et par générosité pour une femme épouvantée, ils deviennent aussi lâches qu'elle, et font cette lâcheté de se cacher. J'en ai, je crois, mal au cœur encore d'être entré dans ce placard, en uniforme et le sabre au côté. Et comble de ridicule pour une femme qui n'avait pas d'honneur à perdre et que je n'aimais pas. Mais je n'eus pas le temps de m'apesantir sur cette bassesse d'être là. Comme un écolier dans les ténèbres de mon placard et les frôlements sur mon visage de ses robes qui sentaient son corps à me griser. Seulement, ce que j'entendis me tira bientôt de ma sensation voluptueuse. Le major était entré. Elle l'avait deviné. Il était d'une humeur massacrante. Et comme elle l'avait dit, dans un accès de jalousie, et d'une jalousie d'autant plus explosive qu'avec nous tous, il la cachait. Disposé aux soupçons et à la colère comme il l'était, son regard alla probablement à cette lettre restée sur la table, et à laquelle mes deux baisers avaient empêché la pudicat de mettre l'adresse. « Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? » fit-il d'une voix rude. « C'est une lettre pour l'Italie, » dit tranquillement la pudicat. Il ne fut pas dupe de cette placide réponse. « Cela n'est pas vrai, » dit-il grossièrement. Car vous n'aviez pas besoin de gratter beaucoup le lozin de cet homme pour y retrouver le soudard. Et je compris à ce seul mot la vie intime de ces deux êtres, qui engloutissaient entre eux deux des scènes de toute espèce, et dont ce jour-là j'allais avoir un spécimen. Je lus, en effet, du fond de mon placard. Je ne les voyais pas, mais je les entendais, et les entendre pour moi c'était les voir. Il y avait leurs gestes, dans leurs paroles et dans les intonations de leur voix, qui montèrent en quelques instants au diapason de toutes les fureurs. Le major insista pour qu'on lui montrât cette lettre sans adresse, et la pudica, qui l'avait saisie, refusa opiniâtrement de la donner. C'est alors qu'il voulut la prendre de force. J'entendis les froissements et les piétinements d'une lutte entre eux, mais vous devinez bien que le major fut plus fort que sa femme. Il prit donc la lettre et la lut. C'était un rendez-vous d'amour à un homme, et la lettre disait que cet homme avait été heureux et qu'on lui offrait le bonheur encore. Mais cet homme-là n'était pas nommé. Absurdement curieux, comme tous les jaloux, le major chercha en vain le nom de l'homme pour qui on le trompait. Et la pudica fut vengée de ces deux prises de lettres, arrachées à sa main meurtrie, et peut-être ensanglantée, car elle avait crié pendant la lutte « Vous me déchirez la main, misérable !» Ivre de ne rien savoir, défié et moqué par cette lettre, qui ne le renseignait que sur une chose, c'est qu'elle avait un amant de plus. Le major Ido tomba dans une de ces rages qui déshonorent le caractère d'un homme et cribla la pudica d'injures ignobles, d'injures de cocher. Je crus qu'il la rouerait de coups. Les coups allaient venir, mais un peu plus tard. Il lui reprocha en quels termes d'être tout ce qu'elle était. Il fut brutal, abject, révoltant. Et elle, à toute cette fureur, répondit en vraie femme qui n'a plus rien à ménager, qui connaît jusqu'à l'axe l'homme à qui elle s'est accouplée, et qui sait que la bataille éternelle est au fond de cette bauge de la vie à deux. Elle fut moins ignoble, mais plus atroce, plus insultante et plus cruelle dans sa froideur que lui dans sa colère. Elle fut insolente, ironique, riant du rire hystérique de la haine dans son paroxysme le plus aigu, et répondant au torrent d'injures que le major lui vomissait à la face par de ces mots comme les femmes en trouvent quand elles veulent nous rendre fous, et qui tombent sur nos violences et dans nos soulèvements comme des grenades à feu dans de la poudre. De tous ces mots outrageants à froid qu'elle aiguisait, celui avec lequel elle le dardait le plus, c'est qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle ne l'avait jamais aimé. « Jamais, jamais, jamais !» répétait-elle, avec une furie joyeuse, comme si elle lui eût dansé des entrechats sur le cœur. Or, cette idée, qu'elle ne l'avait jamais aimé, était ce qu'il y avait de plus féroce, de plus affolant pour ce fat heureux, pour cet homme dont la beauté avait fait ravage, et qui, derrière son amour pour elle, avait encore sa vanité. Aussi arriva-t-il une minute où, n'y tenant plus sous le dard de ce mot, impitoyablement répété, qu'elle ne l'avait jamais aimé, et qu'il ne voulait pas croire, et qu'il repoussait toujours. « Et notre enfant ? » objecta-t-il l'insensé, comme si c'était une preuve, et comme s'il eût invoqué un souvenir. « Oh, notre enfant » fit-elle en éclatant de rire, « il n'était pas de toi. » J'imaginais ce qui dut se passer dans les yeux verts du major, en entendant son miaulement étranglé de chat sauvage. Il poussa un juron à fendre le ciel. « Et de qui est-il, garce maudite ? » demanda-t-il avec quelque chose qui n'était plus une voix. Mais elle continua de rire comme une hyène. « Tu ne le sauras pas, » dit-elle, en le narguant. Et elle le cingla de ce « tu ne le sauras pas », mille fois répété, mille fois infligé à ses oreilles. Et quand elle fut lasse de le dire, « le croiriez-vous ? » elle le lui chanta comme une fanfare. Puis, quand elle l'eut assez fouetté avec ce mot, assez fait tourner comme une toupie sous le fouet de ce mot, assez roulé avec ce mot dans les spirales de l'anxiété et de l'incertitude, cet homme hors de lui, et qui n'était plus entre ses mains qu'une marionnette qu'elle allait casser, quand, cynique à force de haine, elle lui eut dit, en les nommant par tous leurs noms, les amants qu'elle avait eus, et qu'elle eut fait le tour du corps d'officier tout entier. « Je les ai eus tous, » cria-t-elle, « mais ils ne m'ont pas eu, eux. Et cet enfant que tu es assez bête pour croire le tien a été fait par le seul homme que j'ai jamais aimé, que j'ai jamais idolâtré. Et tu ne l'as pas deviné, et tu ne le devines pas encore ?» Elle mentait, elle n'avait jamais aimé un homme. Mais elle sentait bien que le coup de poignard pour le major était dans ce mensonge et elle l'endaga, elle l'enlarda, elle l'en hacha. Et quand elle en eut assez d'être le bourreau de ce supplice, elle lui enfonça pour en finir, comme on enfonce un couteau jusqu'au manche, son dernier aveu dans le cœur. « Eh bien, fit-elle, puisque tu ne le devines pas, jette ta langue au chien, imbécile, c'est le capitaine Ménilgrand. » Elle mentait probablement encore, mais je n'en étais pas si sûr, et mon nom ainsi prononcé par elle m'atteignit comme une balle à travers mon placard. Après ce nom, il y eut un silence, comme après un égorgement. L'a-t-il tué au lieu de lui répondre, pensais-je, lorsque j'entendis le bruit d'un cristal jeté violemment sur le sol, et qui y volait en mille pièces. Je vous ai dit que le major Ido avait eu pour l'enfant, qu'il croyait le sien, un amour paternel immense, et quand il l'avait perdu, un de ses chagrins à folie, dont notre néant voudrait éterniser et matérialiser la durée. Dans l'impossibilité où il était, avec sa vie militaire en campagne, d'élever à son fils un tombeau qu'il aurait visité chaque jour, cette idolâtrie de la tombe, le major Ido avait fait embaumer le cœur de son fils, pour mieux l'emporter avec lui partout, et il l'avait déposé pieusement dans une urne de cristal, habituellement placée sur une encoignure, dans sa chambre à coucher. C'était cette urne qui volait en morceaux. « Ah, il n'était pas à moi, abominable gourge !» s'écria-t-il, et j'entendis sous sa botte de dragon grincer et s'écraser le cristal de l'urne et piétiner le cœur de l'enfant qu'il avait cru son fils. Sans doute elle voulut le ramasser, elle, l'enlever, le lui prendre, car je l'entendis qui se précipita. Et les bruits de la lutte recommencèrent, mais avec un autre, le bruit des coups. « Eh bien, puisque tu le veux, le voilà le cœur de ton marmot, scatin déhonté, » dit le major. Et il lui battit la figure de ce cœur qu'il avait adoré, et le lui lança à la tête comme un projectile. « L'abîme appelle l'abîme, » dit-on. Le sacrilège créa le sacrilège. La pudica hors d'elle fit ce qu'avait fait le major. Elle rejeta à sa tête le cœur de cet enfant, qu'elle aurait peut-être gardé s'il n'avait pas été de lui. L'homme exécré, à qui elle eût voulu rendre torture pour torture, ignominie pour ignominie. C'est la première fois, certainement, que si hideuses choses se soient vues. Un père et une mère se souffletant tour à tour le visage avec le cœur mort de leur enfant. Cela dura quelques minutes, ce combat impie, et c'était si étonnamment tragique que je ne pensais pas tout de suite à peser de l'épaule sur la porte du placard pour la briser et intervenir, quand un cri que je n'en ai jamais entendu, ni vous non plus, messieurs, et nous en l'avons pourtant entendu d'assez affreux sur les champs de bataille, me donna la force d'enfoncer la porte du placard, et je vis ce que je ne reverrai jamais. La pudica terrassée était tombée sur la table où elle avait écrit, et le major l'y retenait d'un poignet de fer, toute voile relevée, son beau corps à nu, tordu comme un serpent coupé sous son étreinte. Mais que croyez-vous qu'il faisait de son autre main, messieurs? Cette table à écrire, la bougie allumée, la cire à côté, toutes ces circonstances avaient donné au major une idée infernale. L'idée de cacheter cette femme, comme elle avait cacheté sa lettre. Et il était dans l'acharnement de ce monstrueux cachetage, de cette effroyable vengeance d'amant perversement jaloux. « Sois puni par où tu as péché, fille infâme » cria-t-il. Il ne me vit pas. Il était penché sur sa victime, qui ne criait plus. Et c'était le pommeau de son sabre qui l'enfonçait dans la cire, bouillante, et qui lui servait de cachet. Je bondis sur lui. Je ne lui dis même pas de se défendre. Et je lui plongeai mon sabre jusqu'à la garde dans le dos, entre les épaules, et je revolus du même coup lui plonger ma main et mon bras avec mon sabre à travers le corps pour le tuer mieux. « Tu as bien fait, Ménil, » dit le commandant Célune. « Il ne méritait pas d'être tué par devant, comme à de nous, ce brigand-là. » « Eh bien, mais c'est l'aventure d'Abélard, transposée à Héloïse, » fit l'abbé Rognan. « Un beau cas de chirurgie, » dit le docteur Blény, « et rare. » Mais Médilgrand, lancé, passa outre. Il était, reprit-il, tombé mort sur le corps de sa femme évanouie. Je l'en arrachai, le jetai là, et poussai du pied son cadavre. Au cri que la pudica avait jeté, à ce cri sorti comme d'une vulve de louve, tant il était sauvage, et qui me vibrait encore dans les entrailles, une femme de chambre était montée. « Allez chercher le chirurgien du 8e dragon. Il y a ici de la besogne pour lui ce soir. » Mais je n'eus pas le temps d'attendre le chirurgien. Tout à coup, un bout de sel furieux sonna, appelant aux armes. C'était l'ennemi qui nous surprenait et qui avait égorgé au couteau silencieusement nos sentinelles. Il fallait sauter à cheval. Je jetai un dernier regard sur ce corps superbe et mutilé, immobilement pâle pour la première fois sous les yeux d'un homme. Mais avant de partir, je ramassai ce pauvre cœur, qui gissait à terre dans la poussière, et avec lequel ils auraient voulu se poignarder et se déchiqueter. Et je l'emportai, ce cœur d'un enfant qu'elle avait dit le mien, dans ma ceinture de hussard. Ici le chevalier de Ménilgrand s'arrêta, dans une émotion qu'ils respectèrent, ces matérialistes et ces ribauds. Et la pudica dit presque timidement Rancené, qui ne caressait plus son verre. « Je n'ai plus eu jamais des nouvelles de la Rosalba, dites la pudica, » répondit Ménilgrand. « Est-elle morte? A-t-elle pu vivre encore ?» Le chirurgien a-t-il pu aller jusqu'à elle? Après la surprise d'Alcudia, qui nous fut si fatale, je le cherchais. Je ne le trouvais pas. Il avait disparu comme tant d'autres, et n'avait pas rejoint les débris de notre régiment décimé. Est-ce là tout? Dit Mautravers. Et si c'est là tout? Voilà une fière histoire. Tu avais raison, Ménil, quand tu disais à Célune que tu lui rendrais en une fois la petite monnaie de ces 80 religieuses violées et jetées dans le puits. Seulement, puisque Rancenet rêve maintenant derrière son assiette, je reprendrai la question où il l'a laissée. Quelle relation a ton histoire avec tes dévotions à l'église de l'autre jour? C'est juste, dit Ménilgrand. Tu m'y fais penser. Voici donc ce qui me reste à dire, à Rancenaille à toi. J'ai porté plusieurs années et partout, comme une relique, ce cœur d'enfant dont je doutais. Mais quand, après la catastrophe de Waterloo, il m'a fallu ôter cette ceinture d'officier dans laquelle j'avais espéré de mourir, et que je l'eus porté encore quelques années, ce cœur, et je t'assure, Mautravers, que c'est lourd, quoique cela paraisse bien léger. La réflexion venant avec l'âge, j'ai craint de profaner un peu plus ce cœur, si profané déjà, et je me suis décidé à le déposer en terre chrétienne. Sans entrer dans les détails que je vous donne aujourd'hui, j'en ai parlé à un des prêtres de cette ville, de ce cœur qui pesait depuis si longtemps sur le mien, et je venais de le remettre à lui-même, dans le confessionnal de la chapelle, quand j'ai été pris dans la contre-allée à bras-le-corps par Rancenet. Le capitaine Rancenet avait probablement son compte. Il ne prononça pas une syllabe. Les autres non plus. Nulle réflexion ne fut risquée. Un silence plus expressif que toutes les réflexions leur pesait sur la bouche à tous. Comprenaient-ils enfin, ces athées, que, quand l'Église n'aurait été instituée que pour recueillir les cœurs, morts ou vivants, dont on ne sait plus que faire, c'eût été assez beau comme cela? Servez donc le café, dit de sa voix de tête le vieux monsieur de Ménilgrand. « S'il est, Ménil, aussi fort que ton histoire, il sera bon. »